en signe de soutien à la lutte du peuple coréen qui s'oppose à la politique d'hostilité contre la Corée des États-Unis, l'Association d'amitié et de solidarité Italie-République populaire démocratique de Corée et la succursale italienne de l'Association d'amitié avec la Corée ont publié récemment une déclaration commune.